cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y'a plus d'avenir entre nous deux. Tu crois sûrement que j'en ai souffert. Ne t'en fais pas mon chéri. Toi et moi ça ne pouvait plus le faire. Alors je vais pas gâcher ma vie. Oh tout fait boum ouais. Tout sauf mon cœur pour tes beaux yeux. C'était dur je te l'avouais. Je n'ai jamais rien pris au sérieux. Je ne t'en veux pas mais ne m'en veux pas pour tous mes torts. Fallait-il qu'on en finisse pour enfin être d'accord. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y'a plus d'avenir entre nous deux. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y'a plus d'avenir entre nous deux. Pour tout j'ai essayé des centaines de mots. Mais j'ai pas envie de m'excuser. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. On s'éloigne, c'était imminent. J'aurais pu essayer, mais non. Je veux plus faire semblant d'être celui que tu connaissais. Je ne suis plus cet homme maintenant. Ne m'en veux pas, c'est sans rancune hein. Je t'aime ou c'est juste l'habitude hein. Y'a plus d'envol, oublie la lune hein. On a les ailes, mais sans les plumes. Y'a que le ciel qui est infini. Nous deux, c'est bel et bien fini. Je suis fatigué de te mentir. Ça y est, il est dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Et y a plus entre nous deux. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y a plus d'avenir entre nous deux. Pour tout te répéter des centaines de mots. Mais j'ai pas envie. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de te dire adieu yeah. On dit qu'en amour faut pas compter non. Mais j'ai compté les jours. Je sais qu'on s'était trompé. Mais les souvenirs restent toujours. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de te dire adieu. Je garderai les souvenirs dans ma mémoire. Mais y'a plus d'avenir entre nous deux. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de te dire adieu.